À l'occasion de la journée de la brillante étoile, le Parti du travail de Corée a offert les cadeaux aux enfants et élèves des écoles révolutionnaires, des écoles primaires de tous les coins du pays, soit la capitale, les villages reculés et près de la ligne de démarcation militaire, ainsi que insulaires, notamment l'école révolutionnaire de Mangyongdae, l'école révolutionnaire Kambanso et l'école primaire de Pyongyang pour orphelins.